Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, dont la hauteur était de 60 coudées, et la largeur de 6 coudées, et il la dressa dans la campagne de Dura, en la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya pour assembler les satrapes, les lieutenants, les ducs, les baïfs, les receveurs, les conseillers, les prévôts, et tous les gouverneurs des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ainsi furent assemblés les satrapes, les lieutenants, les ducs, les baïfs, les receveurs, les conseillers, les prévôts, et tous les gouverneurs des provinces, pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée, et ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors un héros cria à haute voix, en disant, « On vous fait savoir, ô peuple, nation, et langue. Quelle heure que vous entendrez le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sacbute, du psalterion, de la symphonie, et de toutes sortes de musiques, vous ayez à vous jeter à terre, et à vous prosterner devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Et quiconque ne se jettera pas à terre, et ne se prosternera point, sera jeté à cette même heure-là au milieu de la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi au même instant et sitôt que tous les peuples entendirent le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sacbute, du psalterion, et de toutes sortes de musiques, tous les peuples, les nations, et les langues se jetèrent à terre, et se prosternèrent devant la statue d'or que le roi avait dressée. Sur quoi certains chaldéens s'approchèrent en même temps, et accusèrent les juifs. Et ils parlèrent, et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, vis éternellement. Toi, ô roi, tu as fait un édit, que tout homme qui aurait vu le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sacbute, du psalterion, de la symphonie, et de toutes sortes de musiques, se jeta à terre, et se prosterna devant la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre, et ne se prosternerait point, serait jeté au milieu de la fournaise de feu ardent. Or il y a de certains juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, savoir, Sadrach, Mésach, et Abednego, ces hommes-là, ô roi, n'ont point tenu compte de toi, ils ne servent point tes dieux, et ne se prosternent point devant la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amena Sadrach, Mésach, et Abednego, et ces hommes-là furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar prenant la parole, leur dit, « Est-il vrai, Sadrach, Mésach, et Abednego, que vous ne servez point mes dieux, et que vous ne vous prosternez point devant la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant n'êtes-vous pas prêts, autant que vous entendrez le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sacbute, du psalterion, de la symphonie, et de toutes sortes de musiques, de vous jeter à terre, et de vous prosterner devant la statue que j'ai faite? Que si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés à cette même heure au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Sadrach, Mésach et Abednego répondirent, et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Il n'est pas besoin que nous te répondions sur ce sujet. Voici, notre Dieu, que nous servons, nous peut délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons point tes dieux, et que nous ne nous prosternerons point devant la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé contre Sadrach, Mésach, et Abednego, et prenant la parole, il commanda qu'on échauffât la fournaise 7 fois, autant qu'elle avait accoutumé d'être échauffée. Puis il commanda aux hommes les plus forts, et les plus vaillants qui fussent dans son armée, de lier Sadrach, Mésach, et Abednego, pour les jeter en la fournaise de feu ardent. Et en même temps ces personnages-là, furent liés avec leurs caleçons, leurs chaussures, leurs tiares, et leurs vêtements, et furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que la parole du roi était pressante, et que la fournaise était extraordinairement embrasée, la flamme du feu tua les hommes qu'il avait jetés Sadrach, Mésach, et Abednego. Et ces trois personnages, Sadrach, Mésach, et Abednego, tombèrent tous liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout étonné, et se leva promptement, Et prenant la parole, il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes au milieu du feu, tous liés ?» Et ils répondirent, « Et dire au roi, il est vrai, ô roi. » Il répondit, et dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu, et il n'y a en eux aucun dommage, et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha vers la porte de la fournaise de feu ardent, et prenant la parole, il dit, « Sadrach, Mesach, et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez, et venez. » Alors Sadrach, Mesach, et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les lieutenants, les gouverneurs, et les conseillers du roi, s'assemblèrent pour contempler ces personnages-là, et le feu n'avait eu aucune puissance sur leur corps, et un cheveu de leur tête n'était point grillé, et leur caleçon n'était en rien changé, et l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Alors Nebuchadnezzar prit la parole, et dit, « Béni soit le Dieu de Sadrach, Mesach, et Abednego, qui a envoyé son ange, et a délivré ses serviteurs qui ont eu espérance en lui, et qui ont violé la parole du roi, et ont abandonné leur corps, pour ne servir aucun dieu que leur Dieu, et ne se prosterner point devant aucun autre. De par moi donc a fait un édit, que tout homme, de quelque nation et langue qu'il soit, qui dira quelque chose de mal convenable contre le Dieu de Sadrach, Mesach, et Abednego, soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Alors le roi avança Sadrach, Mesach, et Abednego, dans la province de Babylone.